La jeunesse fonce dans le mur et y'a plus d'airbag. Les darons sont du père, ils ont le cul terre par. La chance m'a tourné le dos, je veux plus qu'elle me parle. On étouffe, y'a plus d'air, sauf dans nos bulles d'air max. Pour un regard, le coup de cul terre par. Et pour l'état, t'es suspect si t'as une vulgaire barbe. On me dit t'assures ton caleçon, tu le pèses pas. Tu rates comme un mec du 18 ou bien des rues de pèse pas. Pour que je perce, il me faut de la pub, même pas. Je dis haut ce que les gens portent tout bas, donc y'a plus de messe basse. Quand je bois du rhum, c'est vrai, je suis plus le même gars. Les jeunes s'évalent avec du shit ou une matière plus verte pâle. Ma mère demande si ma zigmu, elle marche. Je veux retourner en enfance, pas être adulte, est-ce pas. Elle me dit, tu sais, c'est rien si tu perces pas. Tu seras quoi qu'il arrive, mon fils à moi, ma super star. L'heure tourne, et je vois toujours l'avenir en pointillé. Mes parents sont inquiets, faut que je leur prouve de quoi leur fils est capable. Et qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'échec, un échec n'est pas envisageable. L'heure tourne, et je vois toujours l'avenir en pointillé. Mes parents sont inquiets, faut que je leur prouve de quoi leur fils est capable. Et qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'échec, un échec n'est pas envisageable. Nos histoires sont complexes, faut pas que tu te mêles de ça. Pour des histoires à deux balles, les ennemis prennent le sabre. Les taspés font les pelles et elles le savent. Elles s'intéressent à toi si t'es une graine de star. Mes potes me disent, faut que tu restes stable. On sera là si tu fais un concert dans un bête de stade. Marre des soucis, j'ai la tête pleine de ça. Donc je m'imagine au soleil, la serviette pleine de sable. Ceux qui parlent ont souvent la flemme de star. Je peux aller loin, c'est ce que flaire le staff. Dans mon rap, y'a pas de paillettes de strass. Mais achète mon CD que j'achète un Porsche Cayenne que je trace. L'heure tourne, et je vois toujours l'avenir en pointillé. Mes parents sont inquiets, faut que je leur prouve de quoi leur fils est capable. Et qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'échec, un échec n'est pas envisageable. L'heure tourne, et je vois toujours l'avenir en pointillé. Mes parents sont inquiets, faut que je leur prouve de quoi leur fils est capable. Et qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'échec, un échec n'est pas envisageable. Évidemment qu'un échec serait inadmissible, faut que je me pars d'ici. Villa, piscine, on n'attend pas 50 ans pour avoir la calvitie. Trop de fautes, tu peux attendre pour que l'arbitre siffle. Plus tu grandis, plus la vie t'asphyxie. C'est logique, chaque année qu'elle fasse un tas de victimes. La plupart des rappeurs sont narcissiques. Faut que je me pars, le compte en banque largissime. L'heure tourne, et je vois toujours l'avenir en pointillé. Mes parents sont inquiets, faut que je leur prouve de quoi leur fils est capable. Et qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'échec, un échec n'est pas envisageable. L'heure tourne, et je vois toujours l'avenir en pointillé. Mes parents sont inquiets, faut que je leur prouve de quoi leur fils est capable. Et qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'échec, un échec n'est pas envisageable. Thank you.